Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. La vieille fable de l'anarchie de l'art et de l'art de l'anarchie. L'homme qui jette une bombe serait-il un artiste ? À Saffron Park, combien peut-il se trouver de poètes ? Un seul, avec des cheveux rouges. Alors, l'arrivée d'un second poète peut déclencher bien des drames, voire être à l'origine d'un thriller métaphysique. Voici les deux premiers épisodes de l'adaptation du roman de Gilbert Keith Chesterton, Le nommé jeudi. Les deux poètes de Saffron Park et Le secret de Gabriel Syme. Première diffusion sur France Culture, les 5 et 6 septembre 1983. Le nommé jeudi de G.K. Chesterton, adapté par Roger Bilodin, d'après la traduction de Jean Florence. Aujourd'hui, premier épisode, les deux poètes de Saffron Park. Avec Pierre Arditi, Syme, Gérard de Sarthe, Grégory, Monique Thierry, Rosamonde, Julien Guillaumard, le narrateur. Réalisation Claude Roland-Manuel. Quel étonnant coucher de soleil. Ne trouvez-vous pas, monsieur ? Un coucher de soleil de fin du monde, en vérité. Par lui, au moins, cette soirée restera mémorable. Tout le ciel paraît couvert d'un plumage, palpable et vivant. Un ciel plein de plumes. De plumes qu'on croit sentir vous effleurer le visage. Comment rendre la transparence et le ton passionné de l'Occident ? Les dernières plumes, là-bas, d'un rouge feu qui couvre le soleil comme une chose trop belle pour que personne mérite de la voir. Et tout cela, si rapproché du sol, comment pourrait-on expliquer ce phénomène ? L'Empire tout entier semble l'expression d'un secret impénétrable. Le ciel même paraît petit. Je me souviendrai de cette soirée à Saffron Park. Venez-vous souvent dans ce faubourg, monsieur ? Je suis un habitué. Savez-vous à qui l'on doit la création de Saffron Park ? À la fantaisie d'un spéculateur audacieux qui possède quelques vagues teintures d'art. Il qualifie l'architecture de son faubourg tantôt de style Élisabeth, tantôt de style Rénan. Sans doute dans sa pensée, les deux souveraines ne font-elles qu'une. J'ai entendu traiter ce faubourg de colonie d'artistes. Aucun art que je sache n'y est particulièrement cultivé, mais il est vrai que l'atmosphère en est d'artiste. Un endroit fort agréable, si ses prétentions au titre de centre intellectuel peuvent passer pour exagérées. Ah, non seulement agréable, il est parfait. Pour peu qu'on le considère, non comme truqué, mais plutôt comme un rêve. Très juste. Ce jeune homme, votre cousin, je crois, avec ses longs cheveux rouges et sa mine arrogante, ne voyez pas en lui un poète. C'est un poème. Ce vieux monsieur, avec sa vaste barbe sauvage et son vaste et sauvage chapeau, ce vénérable charlatan, ce n'est pas un philosophe. C'est un thème de philosophie. Vous êtes drôle. Et ce personnage, aux apparences doctorales, au crâne chauve et brillant comme un œuf, au long cou décharné comme celui d'un oiseau, n'a aucun droit au dehors de savants qu'il se donne. Il n'a fait aucune découverte en biologie. Mais n'est-il pas lui-même la plus extraordinaire créature que puissent étudier les biologistes ? Voilà le bon point de vue d'où il convient d'observer le faubourg de Saffron Park. Non pas un atelier d'artiste, mais une œuvre d'art, délicate et parfaite. Dès qu'on y entre, on a l'impression qu'on va prendre part à quelque comédie. Ce charme de l'irréel est surtout sensible le soir. Quand ces toits bizarres se découpent en valeurs sombres sur le couchant, et que tout ce chimérique endroit se détache, en quelque sorte, visiblement du monde ordinaire, comme une nuée flotte dans le ciel. Mon cousin Lucien Grégory me semble le héros de la soirée. Quel succès auprès de ces dames. Monsieur Grégory a été le héros de bien des soirs avant celui-ci. Dès le crépuscule tombé, on entend ce jeune homme dicter des lois à l'humanité entière. Et plus particulièrement aux femmes. Des femmes qui font partie de la catégorie des émancipées. Est-ce que je me trompe ? Pas le moins du monde, chère demoiselle. Des femmes qui, en conséquence, font profession de protester contre la suprématie du mâle. Or, ces personnes nouvelles sont toujours disposées à vous accorder un honneur qu'aucune femme ordinaire n'accorde à aucun homme. Elles vous écoutent tandis que vous parlez. À vrai dire, M. Grégory mérite qu'on l'écoute, ne fût-ce que pour rire ensuite de ses discours. C'est la première fois que j'assiste à ces réunions de Saffron Park. Je ne connaissais pas mon cousin. Je suis curieuse de l'entendre, j'avoue. M. Grégory, pardonnez-moi ma franchise, débite la vieille fable de l'anarchie de l'art et de l'art de l'anarchie avec une certaine fraîcheur. Un ragoût d'insolence. On peut y trouver quelques brefs agréments. Son aspect physique le sert assez bien. Et votre cousin s'est enjoué. Ses cheveux rouges sombres, longs comme des cheveux de femme, bouclants comme les chevelures des vierges pré-raphaélites. Et de ce cadre mystique jaillit une face si large et si brutale. Et voyez ce menton qui avance avec une expression méprisante. Cela sent le cockney. J'espère que je ne heurte pas votre sentiment parental. Pourtant, la ferveur de ses admiratrices. Une galerie de femmes neurasthéniques surexcitées par ce contraste jusqu'à la peur, chère mademoiselle. Elle goûte ce blasphème vivant, cette combinaison d'ange et de singe. Vous êtes sévère pour mon cousin. Tiens, voici du nouveau à Saffron Park. Qui ça peut-il être ? Permettez-moi de vous présenter Monsieur Gabriel Syme, poète. Très heureux, Monsieur Syme. Monsieur Lucien Grégory. Et comment allez-vous, Monsieur Grégory ? Madame Simpson, Barbara Simpson. Madame Pamela Gordon Morris. Miss Mary Rutherford Tenor. Un second poète à Saffron Park. Professeur Campbell. Vous semblez intrigué. Professeur Hardy. C'est que notre révolutionnaire aux cheveux rouges a régné ici depuis longtemps sans rival. Monsieur Syme a les apparences d'un mortel, demeure fort douce, ne trouvez-vous pas ? Ses cheveux d'or. Et le salut qui nous viendra par le crime. Cette barbe blonde, taillée en pointe, lui donne un air Tout fort agréable. L'anarchie est la nature même de la poésie. Cette fois, approchons-nous. Monsieur Syme pourrait être moins doux qu'il n'en a l'air. Moi, monsieur, je me donne pour ce que je suis. Je suis le poète de la loi, le poète de l'ordre, bien plus le poète des convenances. De l'ordre, des convenances, de la loi, Dieu. Monsieur Syme, d'où nous tombez-vous ? De l'impossible ciel de ce Mais soir. Sans doute, il fallait une soirée comme celle-ci. Il fallait ces nuages aux couleurs cruelles pour que se montrât à la terre un monstre tel qu'un poète convenable. Je m'en flatte, monsieur Grégory. Vous dites que vous êtes le poète de la loi. Je dis que vous êtes une contradiction dans les termes. Je m'étonne que nulle comète et pas le moindre tremblement de terre n'ait annoncé votre présence dans ce jardin. Voyez avec quel air soumis M. Syme se laisse foudroyer. Je le plains. Artiste, anarchiste, personnage identique, terme interchangeable. L'homme qui jette une bombe est un artiste, parce qu'il préfère à toute chose la beauté d'un grand instant. Il sait qu'un jet éblouissant de lumière, un coup de tonnerre harmonieux, ont plus de prix que les corps vulgaires de quelques informes policemen. L'artiste nie tous les gouvernements. Abolit toutes les conventions. Le désordre. Voilà l'atmosphère nécessaire du poète. Si je me trompais, il faudrait donc dire que le métropolitain de Londres est la chose la plus poétique du monde. Il faut le dire, en effet. Ridicule, non-sens. Notez que M. Grégory devient tout à coup très raisonnable dès qu'un autre se permet devant lui quelques paradoxes. Pourquoi tous les employés, tous les ouvriers qui prennent le métropolitain ont-ils l'air si tristes et si fatigués ? Si profondément tristes et fatigués ? Eh bien, je vais vous le dire. C'est parce qu'ils savent que le train va comme il faut. C'est parce qu'ils savent qu'ils arriveront à la station pour laquelle ils ont pris leur billet. C'est parce qu'ils savent qu'après le Sloane Street, la prochaine station sera Victoria, et jamais une autre que Victoria. Oh, quel ravissement! Comme tous ces yeux morts, jetteraient soudain des rayons. Comme toutes ces âmes mornes seraient en paradisée si la prochaine station... Sans qu'on pût dire pourquoi était Baker Street. C'est vous qui manquez de poésie, monsieur Grégory. Si ce que vous dites des employés est vrai, c'est qu'ils sont aussi prosaïques que votre poésie. Le rare, le merveilleux, c'est d'atteindre le but. Le vulgaire, le normal, c'est de le manquer. Nous admirons comme un beau poème épique un homme, d'une flèche tirée de son arc, frappe un oiseau loin dans le ciel. N'est-il pas tout aussi épique que l'homme, au moyen d'une sauvage machine, atteigne une lointaine station. Le chaos est stupide. Et que le train aille à Baker Street ou à Bagdad ou n'importe où quand c'est à Victoria qu'il devrait aller, c'est le chaos. L'homme n'est un magicien que parce qu'il peut aller à Victoria et en dit « je veux aller à Victoria ». Gardez pour vous vos livres de vers ou de prose. Moi, je verserai des larmes d'orgueil en lisant un horaire. Gardez votre Byron qui commémore les défaites des hommes et donnez-moi l'horaire de Bradshaw qui raconte leur victoire. Donnez-moi l'horaire! Entendez-vous? Irez-vous encore loin dans votre raisonnement? Oh, je vous l'assure, chaque fois qu'un train arrive en gare, j'ai le sentiment qu'il s'effrayait son chemin sous le feu d'innombrables batteries ennemies. Et que l'homme a vaincu le chaos. Vous trouvez pitoyable qu'après avoir quitté Sloane Street, on arrive nécessairement à Victoria et moi? Je vous dis qu'on pourrait fort bien ne jamais arriver à Victoria. Qu'il est merveilleux qu'on y arrive. Et qu'en y arrivant, je me félicite d'avoir échappé de près à 1000 malheurs. Victoria. Ça n'est pas un mot dépourvu de sens pour moi. Quand c'est le conducteur qui le crie, c'est pour moi le cri du héros annonçant la victoire. La victoire d'Adam. Eh bien, nous autres, les poètes, en arrivant à Victoria, nous nous disons « Mais qu'est-ce donc Victoria maintenant que nous y sommes ?» Victoria vous apparaît comme la Jérusalem nouvelle. Eh bien, nous, la Jérusalem nouvelle nous apparaît simplement comme une autre et toute pareille, Victoria. Oui. Même dans les rues du ciel, le poète restera mécontent. Le poète est l'éternel révolté. Encore une fois, qu'y a-t-il de poétique dans la révolte? Autant dire que le mal de mer est poétique. La maladie est une révolte. Dans certains cas désespérés, il se peut que la maladie et la révolte soient des signes de santé, mais que je sois pendu si j'y vois la moindre poésie. La révolte en elle-même est révoltante. Ça n'est qu'un vomissement. C'est le cours normal des choses qui est poétique. La digestion, par exemple, qui s'accomplit à souhait dans un silence sacré. Voilà le principe de toute poésie. Ah oui, la chose la plus poétique. Plus poétique que les fleurs, plus poétique que les étoiles, la chose la plus poétique du monde. C'est de n'être point malade. Vraiment, les exemples que vous choisissez... Alors, je vous demande pardon, j'avais oublié que toutes les conventions étaient abolies entre nous. C'est la première fois que je vois le rouge monter au front de M. Grégory. Vous n'attendez pas de moi que je révolutionne la société sur cette pelouse? Non, je ne vous demande rien de tel. C'est pourtant ce que vous feriez, je pense, si vous étiez un anarchiste sérieux. Vous pensez donc que je ne suis pas un anarchiste sérieux? Plaît-il? Non, mais oui ou non, suis-je un anarchiste sérieux, monsieur Sarr? Ah, mon cher garçon. Monsieur Sarr, les gens qui parlent comme vous et monsieur Grégory... Pensent-ils souvent ce qu'ils disent? Pensez-vous vous-même ce que vous venez de dire? Pensez-vous ce que vous dites, chère mademoiselle? Comment l'entendez-vous? Puis-je d'abord vous demander votre prénom? Rosamonde. Chère Miss Rosamonde. La sincérité et l'insincérité ont bien des formes. Quand vous dites merci à la personne qui vous passe du sel, pensez-vous ce que vous dites? Quand vous dites la terre est ronde, pensez-vous ce que vous dites? Non, n'est-ce pas? Ce que vous dites alors est vrai, mais vous ne le pensez pas. Eh bien, il arrive parfois qu'un homme comme M. Grégory finisse par trouver quelque chose qu'il pense réellement. Peut-être n'est-ce qu'à demi vrai, au quart, au dixième, mais... Il le dit avec plus de force qu'il ne le pense tant il le pense. Enfin, est-il vraiment un anarchiste? Au sens restreint que je viens de dire, oui. Et ce sens est insensé. Il ne jettera donc pas de bombes ou quoi que ce soit de ce genre? Oh, Seigneur, certes non. Cela ne se fait que sous l'anonymat. Asseyons-nous un instant sur ce banc, voulez-vous? Entendez-vous? J'aime cet instrument. Sa simplicité, sa correction. Deux qualités que je mets au-dessus de tout. Oh, cette odeur de lilas. Il me semble qu'une voix mystérieuse et menue s'élève du fond de la terre pour... Que regardez-vous ainsi? Votre chevelure. Il nous faut rejoindre la compagnie. La compagnie? Mais regardez, tout le monde est parti, le jardin est désert. Je dois me retirer. Au revoir, mademoiselle Rosamonde. Nous reverrons-nous, monsieur Sime? Mais je ne sais, je le souhaite. Excusez-moi, la tête me pèse comme si j'avais bu un peu trop de champagne. Mais vous n'avez rien bu? Oh, c'est Lila. Monsieur Sime. Mon cousin Grégory ne jettera donc pas de bombe. Monsieur Syme, je vous attendais. Pourrais-je vous parler un instant? Mais certainement. De quoi? De ce réverbère et de cet arbre. De l'ordre et de l'anarchie. Voici cet ordre qui vous est si cher. C'est cette mince lampe de fer, laide et stérile. Et voici l'anarchie, riche, vivante, féconde. Voilà l'anarchie dans sa splendeur verte. Et doré. Et pourtant, en ce moment même, vous ne pouvez voir l'arbre qu'à la lumière de la lampe. Pourriez-vous jamais voir le réverbère à la lumière de l'arbre? Me permettez-vous de vous demander si vous êtes resté ici, dans l'obscurité, uniquement pour reprendre notre petite discussion? Non. Je ne vous ai pas attendu pour reprendre notre discussion, mais pour y mettre fin à jamais. Monsieur Sime, ce soir, vous avez réussi quelque chose d'assez remarquable. Vous avez fait ce que, jusqu'à cette heure, personne, ni homme ni femme, n'était encore parvenu à faire. Vraiment? Monsieur Sime, vous m'avez irrité. Je le regrette profondément. Mais je crains que ma fureur et votre insulte ne soient trop grandes l'une et l'autre pour que des excuses puissent les faire oublier. Un duel ne les effacerait pas. Votre mort ne les effacerait pas. Il n'y a qu'un moyen d'en détruire la trace, et je vais l'employer. Je vais vous prouver, au prix peut-être de ma vie et de mon honneur, que vous avez eu tort de dire ce que vous avez dit. Qu'ai-je dit? Vous avez dit que je ne suis pas un anarchiste sérieux. Mais il y a des degrés dans le sérieux. Et je n'ai jamais douté de votre parfaite sincérité, en ce sens que vous jugiez vos paroles bonnes à dire, que vous recourriez au paradoxe pour réveiller les esprits et les ouvrir à quelques vérités négligées. Et vous ne me croyez pas sérieux en un autre sens encore? Vous me prenez pour un oisif, pour un flâneur qui laisse parfois tomber de ses lèvres quelques vérités par hasard. Vous ne me croyez pas plus profondément sérieux? En un sens plus fatal. Sérieux, bon Dieu! Mais qu'y a-t-il de sérieux dans cette rue, dans les lanternes vénitiennes, dans toute cette boutique? On arrive ici, on parle à tort et à travers. Peut-être aussi dit-on quelques paroles sensées. Mais je n'aurais pas une haute opinion d'un homme qui ne saurait se réserver à l'arrière-plan de son existence quelque chose de plus sérieux que de telles conversations, oui. Quelque chose de plus sérieux. Que ce soit une religion, ou seulement de l'ivrognerie. Fort bien. Vous allez voir quelque chose de plus sérieux, qui n'est ni l'ivrognerie, ni la religion. Vous venez de parler de religion. Est-il donc vrai que vous en ayez une? Oh, nous sommes tous catholiques aujourd'hui. Eh bien, puis-je vous prier de jurer par tous les dieux, ou par tous les saints de votre religion, que vous ne révélerez à aucun des fils d'Adam, particulièrement aux gens de la police, ce que je vais vous dire? Le jurez-vous? Si vous prenez cet engagement solennel, si vous consentez à charger votre âme d'un serment que, du reste, vous ne devriez pas prononcer, et de certaines connaissances auxquelles vous ne devriez pas même rêver, moi, de mon côté, je vous promets... Mais que me promettez-vous? Je vous promets une soirée vraiment amusante. L'offre que vous me faites est trop séduisante pour que je la décline? Vous prétendez que tout poète est un anarchiste, ce n'est pas mon avis, mais j'espère du moins que tout poète est un galant homme. Ici et maintenant, je vous jure, foi de chrétien, et je vous promets en bon camarade et compagnon d'art que je ne rapporterai rien de tout ceci, quoi que ce soit, à la police. Et maintenant, de quoi s'agit-il? Je pense, Monsieur Syme, que nous allons prendre un cab. Cocher, à Chiswick, au Paradox Bar. Place à cette table, monsieur Sain. Nous y serons à l'abri des regards indiscrets. Et donc, pour avoir quoi que ce soit à travers une fumée aussi épaisse. Dans une pièce aussi mal aérée. Garçon, voulez-vous prendre un léger souper? Je vous accorde que le Paradox Bar est un endroit assez sale et répugnant, mais je peux vous recommander le gibier. Donnez-moi plutôt une langouste à la mayonnaise. Une langouste à la mayonnaise pour monsieur. Et que boirez-vous? Pour moi, je ne prendrai qu'une crème de menthe. Oui, j'ai dîné. Mais le champagne de cette maison n'est pas à dédaigner. Oh, la langouste était parfaite. Non, vous m'excuserez si je ne vous cache pas mon plaisir, je n'ai pas souvent la chance de rêver comme aujourd'hui. Car ce n'est pas un fait banal qu'un cauchemar aboutisse à une langouste. D'ordinaire, c'est le contraire qui arrive. Mais vous ne dormez pas, je vous l'assure. Vous approchez même du moment le plus vivant et le plus poignant de votre existence. Voici le champagne. Je conviens qu'il peut y avoir, disons, une certaine disproportion entre l'organisation intérieure de cet excellent hôtel et ses dehors simples et sans prétention. Ce contraste est un effet de notre modestie, car nous sommes les gens les plus modestes qu'il y ait jamais eu au monde. Et qui sommes-nous? Mais c'est tout simple. Nous sommes ces anarchistes sérieux auxquels vous refusez de croire. Vraiment, vous vous fournissez très bien en champagne. Oui. Oui, nous sommes sérieux en tout. Monsieur Syme, si dans quelques instants cette table se met à tourner, puis à s'enfoncer à travers le plancher, n'attribuez pas le phénomène au champagne que vous buvez. Je ne voudrais pas que vous nous fissiez injure. Eh bien, si je ne suis pas ivre, je suis fou. Mais je pense que je saurais me conduire convenablement dans l'un et l'autre cas. Puis-je fumer? Certainement. Avez-vous remarqué? Ah, en effet, remarquable, elle tourne. Elle tourne de plus en plus vite. On se croirait à quelques folles séances de spiritisme. Ne faites pas attention, c'est une espèce de tire-bouchon. Mais c'est cela même, une espèce de tire-bouchon qui enfonce le bouchon jusqu'au fond de la bouteille. Que cela est simple. Suivez-moi, monsieur Syme. Je vous suis. Faites attention. La voûte est assez basse. Ah. La porte se trouve là, où brille cette grosse lanterne à la lumière rouge. Nous y sommes. Qui êtes-vous ? Joseph Chamberlain. Excusez ces formalités, monsieur Syme. Nous sommes obligés à la plus grande prudence. Ne vous excusez pas, je sais quelle passion vous avez pour l'ordre et la loi. Suivez-moi. Quel passage étincelant. On le dirait tapissé d'acier. Nos réserves de fusils et de revolvers. Mais qu'y a-t-il dans ces niches ? Des bombes, monsieur Syme. Rien que des bombes. Et cette pièce elle-même, on croirait l'intérieur d'une bombe. Asseyons-nous. Sous l'une de ces grosses bombes ? Il n'y a aucun danger, je vous assure. Et maintenant, cher monsieur Syme, maintenant que nous sommes vraiment à l'aise, causons. Le nommé jeudi, de G.K. Chesterton, adapté par Roger Pilaudin d'après la traduction de Jean Florence. C'était aujourd'hui le premier épisode, Les deux poètes de Saffron Park, avec Pierre Arditi, Syme, Gérard de Sarthe, Grégory, Monique Thierry, Rosamonde, Julien Guillaumard, le narrateur, et Mireille Paparella, Solange Boulanger, Françoise Béliard, Evelyne Lecuc, ainsi que Patrick Coulet, Philippe Bardi, Hamzel, Christian Zanetti. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Jean-Richard Dufour. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 5 septembre 1983. Dès le lendemain 6 septembre 1983, les auditeurs de France Culture pouvaient suivre le deuxième épisode du feuilleton, le nommé Jeudi, que voici. Suivez-moi, monsieur Syme. Je vous suis. Faites attention. La voûte est assez basse. Ah. La porte se trouve là, où brille cette grosse lanterne à la lumière rouge. Nous y sommes. Joseph Chamberlain. Je vous prie d'excuser ces formalités, monsieur Syme. Nous sommes obligés à la plus grande prudence. Ne vous excusez pas. parce que je sais quelle passion vous avez pour l'ordre et la loi. Suivez-moi. Quel passage étincelant. On le dirait tapissé d'acier. Nos réserves de fusils et de revolvers. Mmh. Mais qu'y a-t-il dans ces niches ? Des bombes, Monsieur Syme. Rien que des bombes. Cette pièce elle-même, on croirait l'intérieur d'une bombe. Asseyons-nous. Sous l'une de ces grosses bombes ? Il n'y a aucun danger, je vous assure. Et maintenant, cher Monsieur Syme, maintenant que nous sommes vraiment à l'aise, causons. Le nommé jeudi de G.K. Chesterton, adapté par Roger Bilodin, d'après la traduction de Jean Florence. Aujourd'hui, deuxième épisode, le secret de Gabriel Syme. Avec Pierre Arditi, Gérard de Sarthe, Raymond Jourdan. Réalisation Claude Roland-Manuel. Il n'y a pas de mots pour définir le sentiment auquel j'ai obéi en vous amenant ici. C'est un sentiment impérieux, fatal, comme celui qui vous obligerait à sauter du haut d'un rocher ou à tomber amoureux. Il me suffira de vous rappeler que vous avez été irritant au-delà de toute expression. Il faut d'ailleurs vous rendre cette justice que vous l'êtes encore. J'aurais 20 fois juré de me taire que je violerais 20 fois mon serment pour le seul plaisir de vous faire baisser le ton d'un cran. Votre manière d'allumer un cigare induirait un prêtre à rompre le sceau de la confession. Vous vous disiez donc tout à fait persuadé que je ne suis pas un anarchiste sérieux. La pièce où nous sommes, vous paraît-elle sérieuse, oui ou non ? Ah, elle semble en effet cacher une moralité sous la gaieté de ses apparences. Oui. Mais puis-je vous poser quelques questions ? Ne craignez pas de me renseigner, puisque très prudemment vous m'avez extorqué la promesse de ne rien rapporter à la police, et vous savez assez que cette promesse, je la tiendrai. C'est donc par simple curiosité que je vous questionne. Et d'abord, que signifie tout cela ? Quel est votre but ? Avez-vous le projet d'abolir le gouvernement ? Nous avons l'intention d'abolir Dieu. Oh. Il ne nous suffirait pas de détruire quelques despotes ou de déchirer quelques règlements de police. Cette sorte d'anarchisme existe, il est vrai, mais ce n'est qu'une branche du non-conformisme. Nous creusons plus profond et nous vous ferons sauter plus haut. Nous voulons effacer toutes vos distinctions arbitraires entre vices et vertus, honneur et vilenie, auxquelles de simples révoltés s'appuient et s'attardent. Les sentimentaux stupides qui firent la Révolution française parlaient des droits de l'homme. Nous détestons, nous, les droits comme les torts. Nous avons aboli le tort et le droit. Et la droite et la gauche ? Je pense que vous les abolirez aussi. Quant à moi, la droite et la gauche m'inquiètent beaucoup plus que le tort et le droit. Vous annonciez plusieurs questions. Avec plaisir. Dans tout ce que vous faites, dans tout ce qui nous entoure, je vois une savante recherche du mystère. J'avais une tante qui habitait au-dessus d'un magasin, mais c'est la première fois que je vois des gens vivre sous un bar. Vous avez une lourde porte de fer, vous ne pouvez vous la faire ouvrir sans vous soumettre à l'humiliation de vous appeler Monsieur Chamberlain. Vous vous entourez d'instruments d'acier qui donnent à ce lieu un aspect plutôt guerrier que bourgeois, si je puis m'exprimer ainsi. Alors comment donc, d'une part, vous cachez-vous dans les entrailles de la terre, et d'autre part, étalez-vous au grand jour votre secret en professant l'anarchie devant toutes les péronnelles de Saffron Park ? Je vous ai dit que je suis un anarchiste sérieux et vous ne m'avez pas cru. Elles ne me croient pas non plus. Tant que je ne les aurai pas introduites dans cette chambre infernale, elles ne me croiront pas. Écoutez, ceci vous amusera peut-être. Lorsque je devins l'un des nouveaux anarchistes, j'essayais toutes sortes de déguisements respectables. Je m'habillais d'abord en évêque. Je lus tous nos pamphlets anarchistes sur le clergé, depuis le vampire de la superstition jusqu'au prêtre de proie. Les évêques, je ne tardais pas à m'en convaincre, sont d'étranges et terribles vieillards qui cachent à l'humanité quelques cruels secrets. La première fois que je pénétrais avec mes guêtres d'évêque dans un salon, je criais d'une voix tonitruante « Et toi, raison présomptueuse, humilie-toi !» Mais les gens devinèrent, je ne sais comment, que je n'étais pas tout à fait un évêque. La mèche était éventée, du coup. Alors je me déguisais en millionnaire. Mais je défendis le capital avec tant d'intelligence qu'un sot aurait compris que je n'avais pas le sou. J'essayais de jouer au commandant. Tout humanitaire que je sois pour mon compte, j'ai assez de largeur d'esprit pour comprendre Nietzsche et les autres qui admirent la violence, la folle et dure concurrence vitale, etc. J'entrais donc dans mon rôle de commandant. Sans cesse, je tirais mon épée et je la brandissais. Je criais « Du sang !» comme on mande du vin. J'allais répétant « Que les faibles périssent, c'est la loi !» Je fus tout de suite brûlé, une fois de plus. En désespoir de cause, j'allais demander avis au président du Conseil anarchiste central. C'est le plus grand homme d'Europe. Et comment s'appelle-t-il ? Oh, si je vous disais son nom, vous ne le connaîtriez pas. Et c'est là le secret de sa grandeur. Un César, un Napoléon dépensent tout leur génie à faire parler d'eux. Ils y réussissent. Il met, lui, tout son génie à ne pas parler de lui. Et l'on ne parle pas de lui. Mais il est impossible d'être pendant 5 minutes en sa présence sans avoir l'impression que César et Napoléon auraient été des enfants entre ses mains. Ses conseils ont toujours ce double caractère. Ils sont à la fois piquants, surprenants comme un épigramme et pratiques comme la Banque d'Angleterre. « Comment dois-je me déguiser ?» lui demandai-je. « Comment me cacher aux yeux du monde ? Que trouverais-je de plus respectable que les évêques et les commandants ?» Il tourna vers moi son grand visage indéchiffrable. « Il vous faut un déguisement sûr, n'est-ce pas ? Il vous faut une tenue qui vous garantisse comme un être parfaitement inoffensif, un vêtement d'où nul ne s'attend à voir sortir une bombe, n'est-ce pas ?» J'inclinai la tête en signe d'assentiment. « Eh bien, déguisez-vous en anarchiste, espèce d'imbécile !» Et il rugissait si fort que les murs en tremblaient. « Personne ne soupçonnera que vous puissiez faire le moindre mal !» Sans un mot de plus, il se détourna, et je ne vis plus que ses larges épaules. J'ai suivi son conseil, et je n'ai jamais eu lieu de le regretter. J'ai prêché l'anarchie devant ces femmes, elles m'auraient donné à conduire leur voiture d'enfant. Et je m'y suis laissé prendre, c'est bien joué. Comment appelez-vous ce terrible président ? Nous l'appelons Dimanche. Le conseil anarchiste central se compose de 7 membres, qui portent les noms des 7 jours de la semaine. Nous l'appelons Dimanche. Certains de ses admirateurs ajoutent « Dimanche de sang ». Il est curieux que la conversation nous amène à ce sujet, car ce soir même, où vous venez, pour ainsi dire, de nous tomber du ciel, notre section de Londres va se réunir dans cette pièce pour élire son député au Conseil central. L'homme qui a joué pendant quelque temps, et à la satisfaction générale, le rôle difficile de jeudi, est mort subitement. Nous avons en conséquence convoqué pour ce soir un meeting en vue de le remplacer. Syme, j'ai en vous une confiance, pour ainsi dire, filiale. Non, je sens que je puis m'ouvrir à vous sans réticence, puisque vous m'avez promis d'être discret. J'ai envie de vous faire une confidence et que je ne ferai pas aux anarchistes qui seront ici dans 10 minutes. On va voter dans 10 minutes. Mais, enfin, c'est autant dire pour la forme. Il est à peu près entendu d'avance que je dis, c'est moi. Mon cher ami, je vous félicite, quelle belle carrière. Enfin, tout est préparé pour moi sur cette table. La cérémonie ne sera pas longue. Je n'ai qu'à attendre la fin de ce scrutin, puis je prendrai cette pèlerine et ce gourdin. J'emporterai ce revolver, cette boîte et cette bouteille. Et je sortirai de cette caverne par une porte qui donne sur la rivière. Là, m'attend un petit bateau à vapeur, et alors... Alors... Oh, la folle joie d'être jeudi! Pourquoi donc, je me le demande, Grégory, ai-je de vous cette opinion? Que vous êtes un charmant garçon. Pourquoi donc ai-je de vous, Grégory, positivement de l'amitié? Serait-ce parce que vous êtes tellement âne? Ah, nom de Dieu, c'est bien ici la situation la plus comique où je me sois trouvé de ma vie, et je vais agir en conséquence. Grégory, je vous ai fait une promesse avant de venir ici, je tiendrai cette promesse. Fût-ce sous des tenailles ardentes, me feriez-vous, en vue de ma propre sécurité, une promesse du même genre? Une promesse? Oui, une promesse. J'ai juré devant Dieu de ne pas révéler votre secret à la police. Voulez-vous jurer au nom de l'humanité ou de quelque chose en quoi vous croyez de ne pas révéler mon secret aux anarchistes? Votre secret? Vous avez un secret? Oui, j'ai un secret. Jurez-vous? Il faut que vous m'ayez ensorcelé. Mais vous excitez furieusement ma curiosité. Eh bien oui, je jure de ne rien dire aux anarchistes de ce que vous me direz. Mais dépêchez-vous, car ils peuvent être ici d'une minute à l'autre. Eh bien, je ne saurais exprimer la vérité plus brièvement qu'en vous disant ceci. Votre expédient de vous déguiser en inoffensif poète n'est pas connu seulement de vous et de votre président. Il y a quelque temps que nous en sommes informés à Scotland Yard. Que dites-vous? Ah oui, c'est vrai, je suis un détective. Mais il me semble que voici venir vos amis. Je vais vous tuer, Monsieur Syme. Oh, soyez pas ridicule. Ne voyez-vous pas que c'est inutile? Ne voyez-vous pas que nous sommes embarqués tous les deux dans le même bateau? J'ajoute que nous avons passablement le mal de mer l'un et l'autre par-dessus le marché. Ne voyez-vous pas que vous m'avez fait mat quand je vous ai fait mat? Je ne puis vous dénoncer à la police comme anarchiste. Vous ne pouvez me dénoncer aux anarchistes comme policier. Je ne puis faire qu'une chose. Vous surveillez, sachant qui vous êtes. Et de votre côté, vous n'avez qu'une chose à faire, me surveiller, sachant qui je suis. Voilà. Non, en somme, c'est un duel intellectuel, sans témoin. Ma tête contre la vôtre. Je suis un policier, privé de l'appui de la police officielle. Et vous, mon pauvre ami, vous êtes un anarchiste privé de l'appui de cette loi, de cette organisation qui est essentielle à l'anarchie. Entre nous, une seule différence, tout à votre avantage. Vous n'êtes pas entouré de policiers curieux. Moi, par contre, je suis entouré d'anarchistes indiscrets. Je ne peux vous trahir, mais je peux me trahir moi-même. Allons, courage, prenez patience. Mais attendez que je me trahisse. Je le ferai si joliment. Je ne crois pas à l'immortalité, mais si, après ce qui vient de se passer, vous manquiez à votre parole, Dieu ferait un enfer exprès pour vous. Je ne manquerai pas à ma parole, et vous ne manquerez pas à la vôtre. Camarade Grégory, je suppose que cet homme est un délégué. Syme, monsieur Syme, oui. J'ai vu avec plaisir que votre porte est bien gardée, qu'il serait impossible à tout autre qu'un délégué de pénétrer chez vous. Quelle section présentez-vous? Ou quelle branche? Ah, ça n'est pas précisément une branche, ça serait plutôt une racine. Que voulez-vous dire? Non, je veux dire, je suis un sabbatarien. J'ai été envoyé ici pour m'assurer que vous rendez bien à dimanche les honneurs qui lui sont dus. Camarade, je pense que nous ferons bien de vous donner un siège à notre réunion. Si c'est un conseil amical que vous me demandez, je vous dirai que c'est ce que vous avez de mieux à faire, oui. Grâce à sa présence d'esprit, il saura se tirer de toutes les difficultés. Oui, rien à espérer de ce côté. Le trahir? Non, impossible. Parti par honneur, parti par prudence. Camarade. Camarade, il est temps de commencer, à ce qu'il me semble. Le bateau à vapeur attend. Je propose que le camarade Buttons prenne la présidence. Levez les mains. Approuvé. Buttons, nous vous écoutons. Camarade, notre réunion de ce soir est importante, mais elle pourra être brève. Notre section a toujours l'honneur d'élire jeudi au Conseil central européen. Nous avons élu un grand nombre de fameux jeudis. Nous déplorons tous la mort du travailleur héroïque qui occupait encore ce poste la semaine dernière. Vous savez qu'il a rendu à la cause des services considérables. C'est lui qui organisa le grand coup de dynamite de Brighton. Dans des circonstances plus favorables, ce beau coup eut détruit toutes les personnes qui se trouvaient sur la jetée. Sa mort, vous le savez aussi, fut pas moins altruiste que sa vie. Il est le martyr de sa foi. Foi en une mixture hygiénique de chaux et d'eau qu'il substituait au lait, estimant que la consommation de cette boisson barbare est un attentat cruel contre les vaches. La cruauté, tout ce qui de près ou de loin ressemble à la cruauté, indigna toujours cet homme excellent. Mais nous ne sommes pas ici pour louer ses vertus. Notre tâche est plus difficile. Il serait malaisé de proportionner l'éloge à ses mérites. Il l'est bien plus encore de lui trouver un successeur digne de lui. C'est à vous, camarades, qu'il appartient de désigner, parmi les membres de cette assemblée, le nouveau jeudi. Si quelqu'un prononce un nom, je le soumettrai au vote. Si aucun n'est proposé, il me restera à déclarer que ce cher dynamiteur a emporté dans les abîmes de l'inconnaissable le secret de la vertu et de l'innocence. Je propose que le camarade Grégory soit élu comme jeudi. Y a-t-il quelqu'un pour appuyer cet avis ? Oui, moi. Avant de soumettre cette proposition au vote, je prierai le camarade Grégory de faire sa profession de foi. Bravo, camarade. Camarade, je n'ai guère besoin de vous dire qu'elle est ma ligne de conduite, puisqu'elle est la vôtre. Notre foi a été calomniée, défigurée. Elle a été victime des pires confusions, elle a été dissimulée, mais elle n'a jamais changé. Ceux qui parlent de l'anarchie et de ses dangers sont allés chercher leur information partout et n'importe où, excepté ici, chez vous, à la source même. Ils connaissent l'anarchie par les journaux, par les romans à 12 sous. Ils ne connaissent pas l'anarchie par les anarchistes. On ne nous donne jamais l'occasion de faire justice des mensonges sous lesquels, d'un bout à l'autre de l'Europe, on nous accable. Ceux qui entendent dire que nous sommes des plaies vivantes ignorent ce que nous pouvons répondre à cette accusation. Et ils l'ignoreront ce soir encore, après que j'aurai parlé, même si ma voix passionnée parvenait à percer ces murs et ce plafond. Car c'est seulement ici, sous terre, que les persécutés peuvent se réunir comme jadis les chrétiens dans les catacombes. Si par quelque incroyable hasard il se trouvait ce soir parmi nous un homme qui nous est toute sa vie durant méconnu, je lui demanderais, les chrétiens, quand ils se cachaient dans les catacombes, de quelle réputation jouissaient-ils là-haut, dans la rue ? De quelle atrocité les Romains bien élevés ne les accusaient-ils pas ? Admettez, lui dirais-je, supposez pour un instant que nous nous bornons à reproduire ce grand paradoxe historique qui est un mystère aujourd'hui encore. Nous sommes répugnants, mais les chrétiens passaient pour tels. Et c'est que nous sommes inoffensifs comme ils l'étaient. Nous sommes des fous, mais on traitait les chrétiens aussi de fous. Et précisément parce qu'ils étaient très doux. Je ne suis pas doux. Le camarade Witherspoon nous assure qu'il n'est pas doux. Mais comme il se connaît mal. Sans doute, son langage est extravagant, son aspect féroce décourage la sympathie des gens pressés qui jugent sur la mine. Bon, j'en conviens. Mais au regard pénétrant d'un ami, comme moi, ne saurait se dérober la couche profonde de solide douceur qui est le fond de ce caractère. Couche si profonde que lui-même, il ne peut la voir. Je le répète, nous sommes les vrais chrétiens primitifs. Oui, enfin, seulement nous arrivons trop tard. Nous sommes simples, comme ils étaient simples. Voyez plutôt le camarade Witherspoon. Nous sommes modestes, comme ils étaient modestes. Non, mais voyez-moi. Nous sommes pleins d'indulgence et de bonté. Non, ni indulgence, ni bon. Je dis que nous pardonnons à nos ennemis, tout comme les premiers chrétiens. Cela n'empêchait pas qu'on les accusât de manger de la chair humaine. Nous ne mangeons pas de la chair humaine. On honte. Pourquoi pas ? Le camarade Witherspoon voudrait savoir pourquoi nous ne mangeons pas de chair humaine. Non. Dans notre société, du moins, où il est aimé, Dans notre société qui est fondée sur l'amour... Non, à bas l'amour. Sur l'amour, il ne saurait y avoir de controverse ni de dissentiment. À bas sur l'amour. Sur les fins, oui, que nous devons collectivement poursuivre et que nous... Et, continue. Et que je poursuivrais s'il m'était donné de représenter notre corps. Superbement indifférent aux calomnies qui font de nous des assassins, des ennemis du genre humain, nous poursuivrons courageusement notre œuvre de fraternité en exerçant sur nos contemporains une pression légale et purement intellectuelle. Quelqu'un s'oppose-t-il à la candidature du camarade Grégory ? Bien, si personne ne s'oppose à la candidature du camarade Grégory au poste de jeudi au Conseil central des anarchistes d'Europe, je déclare le camarade Grégory... Monsieur le Président, je fais opposition. Le nommé jeudi, de G.K. Chesterton, adapté par Roger Pilaudin, d'après la traduction de Jean Florence. C'était aujourd'hui le deuxième épisode, Le secret de Gabriel Syme, avec Pierre Arditi, Syme, jeudi, Gérard de Sarthe, Grégory, Raymond Jourdan, Buttons, et Frédéric Bourali, Pascal Martin-Granel, Alain Christie, Michel Orlando, Jacques Maire, Hamzel, Patrick Gallet, Frédéric Girard. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Jean-Richard Dufour. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 6 septembre 1983. À suivre, jeudi. Le nommé jeudi est publié aux éditions Gallimard dans la collection L'Imaginaire. Vous pourrez réécouter en ligne ces épisodes durant 1000 jours ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Thank you.